France Inter. François Morel, à vous. 17 août 1926, le président de la République française s'appelle Gaston Doumergue. On l'aime bien, Gastounet. Il est bonhomme, il a l'accent du Sud. À son accession à la présidence, il est célibataire, mais tous les matins, il part à pied de l'Élysée pour prendre le petit déjeuner avec Jeanne-Marie Gaussal, veuve grave, à son ancien domicile du 73 bis avenue de Wagram, dans le 17e arrondissement à Paris. 24 août 2020, le président de la République française s'appelle Emmanuel Macron. On lui déconseillerait de remonter à pied les Champs-Élysées pour rendre visite à qui il veut du côté de l'Étoile. 94 ans, le temps d'une vie. 17 août 1926, aux Folies Bergères à Paris, Joséphine Baker mène la revue Nègre. 24 août 2020, le livre « Les dix petits nègres » d'Agatha Christie est débaptisé. Il s'appellera désormais « Ils étaient 10 ». 94 ans, le temps d'une vie. 17 août 1926, Charles-Louis Potier et Léon Réter sortent leur plus grand succès, chanté entre autres par Marie Ketty, Berthe Silva, Lucienne Delisle, Tino Rossi. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. 24 août 2020, la chanson de l'année est un titre de Slimane et Vita. Avant toi je n'avais rien, avant toi on ne m'a pas montré le chemin. 94 ans, le temps d'une vie. 17 août 1926, l'Olympique de Marseille est encore tout à sa joie d'avoir remporté la Coupe de France face à l'AS Valentinier 4-1. 24 août 2020, l'Olympique de Marseille est encore tout à sa joie de l'échec du PSG face au Bayern Munich 0-1. Le club de Valentinier se prépare pour son prochain match, le 13 septembre, contre l'équipe Châtenois 2. 94 ans, le temps d'une vie. 17 août 1926, il est encore possible de commander chez son marchand de journaux la revue Le Boy Scout belge qui publie Les aventures de Totor, chef de patrouille des hannetons du jeune dessinateur Hergé. 24 août 2020, chez Glénat vient de sortir une bande dessinée de Noël Simsolo et Marek consacrée à François Truffaut. 176 pages, 804 grammes. 94 ans, le temps d'une vie. À propos de François Truffaut, je pensais que j'aurais eu aujourd'hui la meilleure excuse pour justifier une absence et ne pas faire ma chronique. J'avais l'excuse Antoine Doinel. Sauf que moi, c'est vrai. Sauf que je n'ai plus l'âge des 400 coups. Bah, qu'est-ce que ça fait ? 17 août 1926, 24 août 2020. Il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Merci François Morel, on pense très fort à vous et à votre famille ici en studio à France Inter.